الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، طيب، la dernière fois on avait pris deux hadiths. حديث عائشة رضي الله عنها قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. Que l'allaitement rendra interdit, c'est-à-dire le mariage, au même titre que l'enfantement concernant l'enfant allaité et sa descendance. Dans ce hadith-là, on avait parlé des femmes qui étaient interdites. Okay, c'est les deux sortes. Ceux qui étaient interdites à tout jamais et celle qui est interdite temporairement. Comme par exemple, qui n'est pas permis de joindre entre deux sœurs, entre une femme et sa tante. Là, ce sont des femmes qui sont interdites temporairement. Et il y a les femmes qui sont interdites à tout jamais, comme la mère, comme les tantes, comme les grands-mères, comme les filles, comme les nièces, wakada. Et aussi, on avait oublié de citer certaines femmes qui deviennent interdite dans l'absolu par alliance. Par exemple, la belle-mère. La femme de ton père, si ton père, par exemple, s'est marié avec une autre femme que la tienne, que ta mère, je veux dire, et je parle pour l'homme, là, pour le fils, alors sa belle-mère le devient interdite. Et le beau-père également. Et on est pareil pour les belles-filles. Lorsqu'un homme se met avec une femme, on appelle Rabiba, cette belle-fille. Rabiba, le simple fait que l'homme se met avec sa mère et qu'il y a un rapport avec elle, la fille devient interdite. La fille de cette femme lui devient interdite. Et du simple fait d'avoir fait un contrat de mariage avec la fille, par exemple, même s'il n'y a pas eu de rapport, alors la mère devient interdite. La mère de cette fille devient interdite pour le gendre. Même s'il n'a pas eu de rapport consommé avec sa fille. Le simple fait qu'il y ait un acte de mariage qui a été fait, la belle-mère devient interdite à tout jamais. Il peut rester avec elle, il peut la toucher, lui serrer la main, ce genre de choses, voyager avec elle. Il a un mahram pour elle, comme s'il était son fils. Taïeb. Par contre, la belle-fille, elle, à quel moment devient une mahram à tout jamais? Lorsque l'homme se met avec sa mère et qu'il a un rapport avec la mère. Mais s'il n'y a pas de rapport avec la mère, la belle-fille ne devient pas interdite. Il peut même se marier avec elle après. Si elle met il n'a pas touché la mère, hein, bien sûr. Après, une fois qu'il a touché la mère, même s'il la divorce après ou quoi, là, sa belle-fille devient mahram pour lui à tout jamais. Non. Wakada. Et les filles également, les femmes des fils. Avant que tu aies un homme, ton fils se met avec une femme, d'accord? Et ben cette fille deviendra, tu seras un mahram pour elle. Le beau-père deviendra un mahram pour la femme de son fils. Là, ce sont des choses qui ont lieu par alliance. Mais après, ça devient tout jamais. D'accord? Ça deviendra tout jamais. Et on est pris comme hadith également, hadith khamsoun, qui est « La yafaraku mu'minun mu'minatan » إن كره منها خلقا رضي عنها أو منها آخر. Que le croyant ne peut détester la croyante et que si jamais il voit des choses déplaisantes d'elle, il en trouvera d'autres qui lui plairont. On l'expliquait par rapport au, ça c'est ce qui concerne les couples, d'accord, que les maris doivent faire preuve d'indulgence et de compassion envers leurs épouses dans tout ce qui touche, on va dire, au comportement ou quoi. Après, quand ça rentre dans les limites d'Allah Azzawajal, ça sera autre chose. Quand il y a du haram qui se fait, quand il y a de l'injustice qui se fait, là, c'est encore autre chose. Bien que nul n'y échappe. Mais là, ça parlait principalement des défauts liés au comportement qu'il pourrait avoir chez la femme, que son défaut dans tel domaine ne te fasse oublier les qualités qu'elle a dans d'autres domaines. Et que parfois, une qualité peut, elle toute seule, faire oublier plus de 50 défauts. Faut pas regarder le nombre, faut regarder la qualité. il y a des serres, donc des qualités rares, qui font que tu, normalement, quand tu as obtenu cette qualité-là, tu vas miser sur beaucoup de choses. Car tu sais que cette qualité-là, tu vas la trouver quasiment nulle part. Et les femmes les plus à même d'être honorées et d'être gratifiées, et sur qui doit patienter le plus, sont les femmes des gens de la sunna. Elles sont les femmes les plus rares qui existent au monde, qui patientent les choses que les autres femmes ne pourront pas patienter par rapport à leur mari. Et elles sont les femmes les plus honorables qui soient. Car elles obéissent à Allah Azzawajal et à son messager. D'accord? Donc, se dire que si jamais la femme, elle a un comportement comme ça, elle patiente beaucoup et elle obéit, faut pas que le mari dise, oh, c'est par rapport à lui, c'est pas par rapport à toi, frère. C'est que ça aurait été toi ou un autre, la femme, elle connaît elle connaît sa place en islam et elle l'applique, elle l'assume, alhamdoulilah. Demain, tu peux venir mourir, elle sera une veuve, elle se remariera peut-être à quelqu'un d'autre et elle sera peut-être pas avec lui, peut-être mieux encore avec lui, tu sais pas. Donc ça, c'est lié à sa taqwa. Cette femme-là, elle craint Allah. Donc, elle rend au mari son droit. Et elle aime la sunna et elle sait que c'est là-dessus qu'elle aura sa récompense. Donc, il convient au mari qui est une femme de la sorte de remercier Allah Azzawajal et de l'honorer. Et de l'honorer. Du plus qu'il puisse. Naam. Tayyib. Nawasil al-yawm fi hadith al-hadi wa khamsin. 51e hadith. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أتيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أتيتها من غير مسألة عنت عليها وإن حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك متفق عليه. عبد الرحمن بن سمرة radiallahu anhu, il a dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, oh Abdurrahman, ne demande pas le commandement. D'accord? Ne demande pas le commandement. Car si jamais tu le demandes, tu y seras confié. Tu y seras confié. C'est-à-dire que tu seras laissé à toi-même avec ce commandement-là. Alors que si jamais ce commandement te vient sans que tu l'aies demandé, tu seras assisté par Allah azawajal. Et si jamais tu jures, tu fais un serment. D'accord? Et que tu vois qu'il y a mieux, par rapport à l'engagement que tu as pris dans ce serment, alors fais ce qu'il y a de mieux à faire et expie ton serment. Et expie ton serment. Le hadith est Mutafakun Ali, rapporté par Bukhari et Muslim. Yaqul hada al-hadith ihtawa ala jumlatayn azimatayn. Donc ce hadith se base sur deux principales phrases. Ihdahuma an al-imara wa ghayraha min al-wilayat ala al-khalq. لا ينبغي للعبد أن يسألها ويتعرض لها بل يسأل الله العافية والسلامة فإنه ولا يدري هل تكون الولاية خيرا له أو شر ولا يدري هل يستطيع القيام بها أم لا. Donc il a dit ce qui est du commandement, le fait d'avoir autorité sur les gens ou d'avoir une responsabilité par rapport aux gens, tout ce qui est lié à gouverneur, ce genre de choses, il ne convient pas aux serviteurs de demander cela et ni de s'y exposer. Mais qu'il demande à Allah Azzawajal d'être prémuni et qu'il lui demande la sérénité. Car il ne sait pas si justement cette fonction sera un bien pour lui ou un mal. Et il ne sait pas s'il pourra l'assumer. Car c'est une responsabilité qui est immense que d'avoir des gens à sa charge. Et principalement cette époque où la plupart des gens qui ont le pouvoir ne juge pas avec le roi d'Allah Azzawajal. Et quand même tu voudrais le faire, tu ne pourrais peut-être même pas le faire, malgré toi. Il y en a plein parmi les gouverneurs, on sait qu'ils aimeraient le faire, mais devant eux, il y a une pression tellement immense qu'ils n'arrivent pas à faire face. Ils n'arrivent pas à faire face. Donc demande à Allah qu'il te prémunisse de ce genre de choses qui seraient peut-être pour toi un mal. قال فإن سألها وحرص عليها وكل إلى نفسه ومتى وكل العبد إلى نفسه لم يوفق ولم يسدد في أموره ولم يعان عليها لأن سؤالها ينبئ عن محظورين. Car si jamais il demande et qu'il aspire à obtenir cette fonction, il sera chargé à lui-même. Ça veut dire que Allah Azza wa Jalla va l'abandonner, il sera laissé à lui-même. Et lorsque le serviteur est laissé à lui-même, il agit mal et n'est pas juste. Il n'a pas de tawfiq. D'ailleurs, on le dit dans les afkars de fin de journée, lorsqu'on dit Allahumma astaghith bi rahmatika astaghith waslih li sha'ni kullah wa la takilni li nafsi tarfat al-'ayn. On dit oh Allah, je recherche refuge auprès de toi par ta miséricorde. Je recherche refuge plutôt auprès de par ta miséricorde, n'am. Et réforme-moi ma situation totalement et ne me confie pas à moi-même, ne serait-ce que l'instant d'un clin d'œil. Ne serait-ce que l'instant d'un clin d'œil. On demande à Allah de ne pas nous laisser à nous-mêmes. Donc celui qui demande le commandement, l'autorité et autres, il sera confié à lui-même. Chose que qu'on demande tous les jours de ne pas... pour ceux qui se rappellent de ce zikr, tous les jours on demande de ne pas être laissé à nous-mêmes, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Un clin d'œil. L'une des choses qui est les plus rapides à faire au monde. Et là, subhanallah. Donc celui qui demande le commandement, il sera confié à lui-même. Et ça peut être sur des années. Donc imaginez-vous les catastrophes qu'il pourrait faire. Et là, ça vous montre justement, c'est parmi les preuves, parmi les nombreuses preuves, qui amènent à démontrer le côté bâtil de la démocratie, qui est basé sur le fait que la majorité l'emporte, que c'est le peuple qui gouverne par lui-même, qui décide. Et que ce sont les gens, le peuple qui décide de qui est leur gouverneur. Le peuple n'est pas apte à savoir qu'est-ce qui est bon pour eux ou pas. En islam, c'est pas le peuple qui décide. Un gouverneur ne se choisit pas comme ça, pas par la démocratie, par les élections. Jamais. Ça, c'est une tariqa qui n'est pas chadariya. C'est pas chadariya de faire ça. Cependant, celui qui gagne et qui a le pouvoir par la suite, on doit lui obéir. En tant que gouverneur musulman. Mais la façon dont je l'ai obtenu, ce pouvoir, ce n'est pas une façon qui est légiférée. Pourquoi? Car lui, quand il vient, qu'est-ce qu'il fait? Il se présente pour qu'on vote pour lui. Donc, il demande le pouvoir. Donc, il rentre dans le hadith. Waliyaz billah. Et vous avez juste à voir, de façon générale, les pays qui sont sous le régime démocratique, comment sont les pays qui sont loin de l'islam. Les peuples sont musulmans, les gouverneurs kazaïdiques le sont, mais regardez les pays, comment ils sont gérés. Ils sont loin d'être gérés par la charia. Et c'est une chose qui amène à beaucoup de problèmes dans le pays, beaucoup d'injustices, beaucoup de droits qui ne sont pas rendus, beaucoup de choses dont les gens sont privés. Car de base, c'est basé sur un socle qui est bâtil, qui est faux. Et la démocratie, c'est un tarout. Et celui qui croit en la démocratie, qu'il aime, qu'il apprécie, et qu'il la voit comme étant valable, celui-là, il a mécru. Et qui donc est de meilleur jugement que Allah pour un peuple qui croit. Et laisse Allah bi ahkamil hakimin, n'est-ce pas Allah qui est le plus juge, le plus sage des juges. Et ceux qui ne jugent pas parce que Allah fait descendre sont ceux-là les mécréants. Et vous savez qu'il y a un détail sur la question. Mais de base, celui qui voit qu'une autre loi que celle d'Allah Azzawajal est correcte, est valable, ou voire même de pire encore, qui est mieux que celle d'Allah Azzawajal, ou qui correspond à notre époque, lui rentre dans le détail du verset qui l'amène à tomber dans la mécréance majeure. Donc la démocratie, c'est une chose, c'est un tarout qui s'oppose totalement à l'islam, et qui n'est permis à aucun musulman d'aller voter, qu'il soit en terre d'islam, qu'il soit en terre de kufr. Voter n'est pas permis. Et cela contribuerait à accorder le pouvoir, en termes de kufr, à un kafir sur les musulmans. Donc Allah Azza wa Jal, ou alain yajalallahu li kafirin ala mu'minina sabila, que Allah n'encadre pas l'autorité aux mécréants sur les croyants. Tu ne votes pas pour un kafir. Tu ne donnes pas l'autorité à un kafir. Et ça ne te concerne pas, l'histoire de vote. Ce n'est pas ton pays, ce ne sont pas tes lois, ce n'est pas ton territoire. Tu ne rentres pas dedans. Et ça ne change rien pour toi. D'accord? Que a-t-elle le pouvoir ou pas le pouvoir, il n'y aura rien de plus pour toi. Crois-le-moi. Et les mécréants ne mettront au pouvoir qu'un homme qui correspond à leurs attentes. Sache-le. Même leur vote, on n'y croit même pas. Qu'ils soient des choses dénuées de tricherie ou quoi, on n'y croit pas. Même ça, on n'y croit pas. Un président de la République, il est déjà élu. Avant même que les gens votent, il est déjà élu. Ils savent déjà qui c'est qui va être président. Ils ne vont pas laisser quelqu'un qui va venir les déranger. Croyez-moi bien, les francs-maçons ou ce genre de régime ne vont jamais laisser au pouvoir un homme qui va aller à la rencontre. Jamais ils vont le laisser. Et au pire, on dit qu'il passerait, au pire, hein, il passera, il serait exécuté direct. Il y passe direct. Vous croyez qu'ils vont le laisser au pouvoir? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Donc même les votes, n'y croyez pas. Même dans les autres pays où vous voyez qu'il y a des votes, c'est toujours truqué, toujours, toujours. Ces gens sont des menteurs. Mais en islam, comment choisir un gouverneur de base? soit il prend le pouvoir de force. D'accord? Ou soit alors il est choisi par le gouverneur précédent qui, en mourant, dit « un tel prend ma place, me succède ». Donc là, il prend la place. D'accord? Ou alors, ce sont les gens de science et les gens d'expérience qui se réunissent entre eux, qui choisissent. D'accord, les savants et des gens d'expérience dans ce qui est la gérance d'un pays, comme le général de l'armée ou un tel dans tel domaine, ainsi de suite, parmi les gens connus qui ont fait leurs preuves, ils se réunissent entre eux et ils décident de qui sera le gouverneur. Ah ben, le peuple, ils n'ont rien à voir là-dedans. Ils n'ont rien à voir là-dedans. Non. Ça y est. Donc ça, c'est une parenthèse par rapport à ça. Ça y est. Et la démocratie, c'est une chose qui est inapplicable en réalité. Sachez-le. Même par la démocratie, elle n'est jamais appliquée. Jamais. Que ce soit en France, que ce soit dans les pays d'Europe ou autres, elle n'est jamais appliquée. C'est un leurre. C'est un leurre sur les gens. Donc, on n'a pas demandé le pouvoir. D'accord ? Yakul, donc il dit que cela amène à deux grands mots. Se demander le pouvoir, ça amène à deux grands mots. Al-awwal wa al-hirs ala dunya wa riyasa. Wa al-hirs yahmilu ala riba fil takhawwud fi malillah wal 'ulu ala ibadillah. Une première chose, ça amène à aspirer à ce bas monde et au leadership. Le fait de vouloir être le chef. D'accord? Wa al-hirs. Et cela amène justement à devenir douteux et à se mettre à gérer l'argent d'Allah Azzawajal et à se voir au-dessus des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand quelqu'un qui veut être chef, il va avoir l'autorité, s'il veut être au-dessus des gens. D'accord? Et cela va demander de la gérance des biens d'Allah, la zakat, toutes ces choses-là. Il faut les gérer. Avec piété, avec équité. C'est lui qui gère pas ça. Qu'est-ce qu'il aura? Il aura des comptes à rendre. Et une parenthèse, dans l'histoire, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il avait dit que Raden sayafta Allah wa la rajul, yuhibuhu Allah wa rasuluh, wa yuhibu Allah wa rasula, que demain, je vais donner l'étendard à quelqu'un à qui Allah azawajal va donner la victoire. C'est un homme qui aime Allah et son messager et que Allah et son messager aiment. Et de là, tous les sahaba qui étaient présents ont voulu avoir cet étendard, ce drapeau. Même Omar ibn Khattab, il a dit, je n'ai jamais voulu autant avoir le commandement que ce jour-là. Mais ces gens-là, les sahaba, radiallahu anhu, quand ils ont passé la nuit à savoir qui recevrait cet étendard-là. C'est quoi leur but? Comme l'a dit Omar, ce n'est pas pour le fait d'avoir le pouvoir, c'est le fait que tu seras un homme qui est aimé par Allah et son messager. C'est ça qu'ils voulaient, eux. C'est ce mérite. Et non pas le pouvoir en lui-même. Vous voyez la différence qu'il y a? C'est le cas Allah Azawajal, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avait annoncé que cela serait accordé à un homme que Allah aime et son messager aime. Qui n'aimerait pas savoir que Allah l'aime et que son messager l'aime? Sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ça qu'ils voulaient, eux. Et non pas le pouvoir en lui-même. Sans compter que cet homme-là, qui allait avoir l'étendard, allait faire une conquête, avoir la victoire. Donc c'est une grande promesse de réussite. Et ça, c'est pour l'islam et les muslimines. Et regardez, malgré que tous étaient à l'affût pour avoir ce mérite, qui n'ont pas dormi la nuit ou qui sont restés. Celui qui l'a reçu, c'est quelqu'un qui ne s'en occupait même pas, qui n'y pensait même pas. C'est qui? C'est Ali, radiallahu anhu, qui était malade ce soir-là, qui avait été atteint dans ses yeux, qui souffrait des yeux, et qui n'était même pas au courant, qui n'était même pas derrière ça. Et le lendemain, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a appelé Ali. Il a dit, ouais, Ali. Il lui a donné l'étendard, il lui a crachoté dans les yeux, et de là, Ali a été guéri. Pour vous dire que des choses, des fois, tout le monde la veut, et celui qui n'a même pas demandé, qui est derrière, qui est pas au courant, qui les reçoit. Au final. pour vous dire, en réalité, que même dans un autre cas où ça aurait été autre que les compagnons qui auraient voulu avoir telle et telle chose, d'accord, que Allah Azzawajal peut en décréter de façon différente. Et c'est quelqu'un qui n'a pas demandé qui reçoit. Quelqu'un qui n'est même pas au courant qui reçoit la chose que tout le monde attend. Et la chose pour laquelle tout le monde se bat. Et à subhanallah. Naam. Donc celui qui prend le pouvoir se met sous une grande responsabilité. Et celui qui demande ce pouvoir, cette responsabilité, il y sera confié. Ça veut dire c'est lui, il se débrouillera tout seul. Allah Azzawajal ne va pas l'assister. Donc ça fait peur. قال والثاني المحظور الثاني deuxième mal فيه نوع اتكال على النفس وانقطاع عن استعانة الله لذا قال وكلت أو وكلت إليها. Et cela également renferme une forme de confiance en soi abusive. Et que la personne se verra coupée de l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. En demandant le pouvoir, en cherchant à l'avoir. أما من لم يحرص عليها ولم يتشوف لها أتته من غير مسألة وروى من نفسه عدم قدرته عليها فإن الله يعينه عليها وليكله لنفسه لأنه لم يتعرض للبلاء. Quant à celui qui a reçu ce pouvoir, ce commandement, cette autorité, sans l'avoir cherché, d'accord, et voire même qu'il n'en voulait pas car il ne se voyait incompétent, alors lui, Allah Azzawajal, va l'assister. Et il ne sera pas confié à lui-même. Pourquoi? Car à la base, il ne s'est pas exposé à l'épreuve. Il ne s'est pas exposé aux mots de cela. Il ne l'a pas demandé. Cela est venu, malgré lui, sans qu'il n'ait cherché à l'avoir. وقوله صلى الله عليه وسلم أعنت عليها دليل على أن الإمارة وغيرها من الولايات الدنيوية جامعة للأمرين الدين والدنيا فإن المقصود من الولايات كلها إصلاح الدين أو إصلاح الدين الناس ودنياهم. Et dans sa parole, lorsqu'il dit tu seras assisté justement dans ce commandement, si jamais tu l'as sans l'avoir demandé, cela prouve que ce commandement, cette autorité, sont des choses qui touche dans deux domaines, qui sont celui de la dunya, celui de la religion. Car le but d'une personne qui a autorité parmi les musulmans, c'est pas être simplement être un gouverneur, être un président ou je ne sais quoi. Non, le but c'est quoi? C'est d'arriver à la réforme de la religion des gens et de leur dunya. C'est une ibada qui est immense. Et on a besoin de gouverneurs. D'accord? Chaque état a besoin d'un gouverneur, même s'il est injuste, même s'il est mauvais. À partir du moment où les musulmans, il y a besoin de lui. Car c'est lui qui fera en sorte que le pays sera sécurisé et que le pays sera géré. Regardez quand il n'y a pas de gouverneur, comment ça se passe. C'est la guerre civile. Ça devient un pays de paria. Il n'y a plus de sécurité, il n'y a plus de normes. Vous comprenez, mieux vaut un pays gouverné par un homme mauvais, mais qui tient son rôle, dans le sens où il tient le pays, plutôt que d'avoir le pays comme les gens le font souvent, vouloir sortir contre le gouverneur, ils ne sont pas contents. Et généralement, quand ils sortent, c'est que pour leur ventre. Quand les gens sortent contre le gouverneur, c'est que pour leur ventre. Et leur dunya, c'est pas pour la religion. Car il n'y a aucun gouverneur concrètement qui t'empêche de faire ta religion actuellement, dans les pays d'islam. Si tu veux la faire, tu peux la faire. Là où les gens se voient privés, c'est des choses qui sont dans les privilèges mondains. L'argent, un tel a reçu plus qu'un autre, ainsi de suite. Comme les Khawarij. Quand Zouhri l'a dit, Erdil Mohamed, sois juste au Mohamed, c'était quoi le but? Le partage du butin. C'était pas pour la salat qu'il a fait ça. C'est pas pour le Hajj qu'il a fait ça. C'est pas pour le siyam de Ramadan qu'il a fait ça, ou autre. Non, c'est pour avoir la part de butin qu'il attendait. Donc c'était quoi comme intention? Mondaine. Et les Khawarij sont des Ashab Dunya. Et vous le voyez aujourd'hui, t'en as plein, ils sont sous couvert d'associations de vouloir aider les gens en Afrique, faire des puits, je ne sais quoi, des Khawarij. Ils se font aimer par les gens en prenant l'argent des gens, déjà parce que l'argent n'est pas à eux, en demandant aux gens de l'argent, qu'ils réunissent, après ils vont faire des actes de bienfaisance dans le monde. Et de là, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils endoctrinent les gens sous leur croyance fausse. C'était le cas, par exemple, de ce que la fameuse, quand je dis fameuse, elle était connue, association qui s'appelait Bakara City. L'autre qui s'appelle Idriss, je ne sais plus comment. C'est ça. Ces gens-là, comme le dit Shamok Bill, qu'est-ce qui est blâmé? C'est pas de faire des puits qui est blâmé. Ce n'est pas de donner à manger à des pauvres qui est blâmé. Non, c'est le Hizbiya et c'est le Khourouj qu'il y a derrière. Et ces gens-là, quand ils font ça, en réalité, ils font ça pour être appréciés des gens et pouvoir placer leur doctrine par la suite. Et mettre la haine dans le cœur des gens contre le gouverneur et contre les gens de la Sunna. Mais en réalité, ces gens-là, vous enlevez l'argent et tout, ils vont rien faire. Ils vont rien faire. Ils vont aider personne. Leur but, c'est la SBA qui est derrière. Et non pas aider les gens qui ont faim, soi-disant. Et les gens qui ont faim, ils ont un seigneur. Si t'es pas là, demain, Allah va les nourrir. Et si Allah a décrété qu'il devait mourir de faim, c'est qu'il devait mourir de faim. Vous voyez, il faut pas que ces gens-là s'imaginent qu'ils sont sans eux, la terre, elle va plus se tenir. Elle, croyez bien, comme quand la Ta'ala, il n'y a pas de bête sur terre, d'animal sur terre, sans que son risque incombe à Allah Azzawajal. Les gens qui sont là, qui aident, sont que des causes. Et quand une cause disparaît, peut-être 10 peuvent apparaître derrière. Naam. Waqal, ولهذا يتعلق بها الأمر والنهي والإلزام وبالواجبات ورد عن المحرمات وإلزام أداء الحقوق وكذلك أمور السياسة والجهاد فهي لمن أخلص فيها لله وقام بالواجب من أفضل العبادات ولمن لم يكن كذلك من أعظم الأخطار. Donc vu que tout ce que cela implique comme responsabilité, justement, d'être gouverneur ou d'avoir un commandement ou d'avoir une responsabilité par rapport aux musulmans. D'accord? Celui qui s'en charge bien, il a parmi les plus grandes des récompenses. C'est pour ça que les meilleurs des gouverneurs, c'était les meilleurs des hommes au début. En premier, c'était le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, ça a été Abu Bakr. Ensuite, ça a été Omar. Ensuite, Othman. Ensuite, Ali. Vous voyez? Et ainsi de suite. Après, il y a eu son fils Ali. Il y a eu Muawiyah. Entre temps, il y a eu Omar ibn Abdul Aziz. C'était que des grands hommes, les premiers. Car leur but, eux, c'était quoi? La religion. La religion. Et ce commandement, ils ne l'ont pas demandé. Ce commandement, ils ne l'ont pas demandé. Également. Donc, Allah Azza wa Jalla les a assistés. Mais celui qui rentre dans ce domaine-là et qui n'a pas les capacités, alors lui, c'est le contraire. Pour lui, ça peut être la pire des choses. Ça peut être la pire des choses. Il lui se voit comme étant le gouverneur, le dirigeant. Et en réalité, ce poste coûtera sa perte. Ce poste coûtera sa perte. Pourquoi? Parce qu'il n'aura pas assumé comme il se doit. Voilà, on est en une époque, les frères, les sœurs, voilà, vaut mieux être un éboueur qu'être un gouverneur. Vaut mieux être un éboueur qu'un gouverneur. Parce que le gouverneur, il aura trop de comptes à rendre. Beaucoup de comptes à rendre. Enfin, ça, faut le savoir. Donc, ne courez pas derrière ce genre de poste. Et là, c'est pas un discours de Khawarij que je vous dis là. C'est une réalité. Le hadith vient à ne pas demander ce genre de poste, car cela est extrêmement dangereux, extrêmement périlleux, et principalement en notre époque où il y a trop de pression des pays de Koufar derrière. Même tu voudrais faire du khayr, tu n'y arriveras pas. Et regardez bien, tous les gens qui étaient, par exemple, liés à la Darwa, qui sont entrés en politique, ils ont tous chaviré. Tous, ils ont changé. Obligés de faire des concessions. Obligés. Donc, c'est quoi la meilleure chose? Tu le sauves, tu t'en éloignes. Regardez les savants, les meilleurs des hommes. Comment ils sont loin des gouverneurs, de ce genre de poste. Ils sont loin de tout cela. Voilà, ils sont loin de tout cela. Ça ne les intéresse pas. Ça sait très bien comment c'est dangereux, ce genre de choses. Eynam. Pourtant, on a besoin de gouverneurs. On a besoin de gouverneurs. Taïeb. Celui qui veut prendre le risque, sha'nuhu illallah azawajal. Et si jamais il prend le pouvoir, on lui donne son droit. Mais nous concernant nous, Allah, on ne fera pas la cube pour avoir ce poste. Croyez-le. Celui qui rentre là-dedans et qui a eu les valeurs religieuses, qui les connaît concrètement, c'est qu'il n'a pas compris. Il n'a pas peur. Voilà, il n'a pas peur. Subhanallah. Et ensuite, il parla de Youssouf, alayhi salam. Car vous savez, Youssouf, il a dit, « J'alni ala khaza'in al-ard. Inni hafizun alim. » Il a dit à l'Aziz, qui était à l'époque le roi d'Égypte, après qu'il ait fait les rêves, que le roi a fait les rêves qui annonçaient une grande famine, Youssouf, il lui a dit, justement, de le placer comme trésorier. car il était une personne expérimentée et de confiance. Car là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Faut pas comparer ce que Youssouf il a fait et ce que des gens pourraient faire. Youssouf, à la base, c'était un prophète, un messager. D'accord? Et ça, c'est un poste, justement, qui ne remontait qu'à lui. Parce que là, il revenait quoi? De la maslaha des gens entièrement, pour pouvoir partager les biens et être juste et que les gens puissent ne pas périr. Là, c'est une sécheresse qui arrivait devant eux. C'est pas pour le pouvoir, pour avoir le pouvoir en soi. C'était pour pouvoir gérer une chose, un fléau qui allait toucher les gens. Et si c'était mal géré, d'accord, ça leur a causé des milliers, des milliers, des milliers de morts. Donc lui, en tant que prophète et messager, qui a la révélation avec lui, et autres, d'accord, il s'est dit, si c'est pas moi qui prends ce poste-là, des gens vont le prendre, ils ne seront pas aptes à le faire, et il y aura des catastrophes. Et il était apte à le faire. Il était apte à remplir cette fonction-là. Donc il avait pourquoi? Pour la maslaha de tout le monde. Et non pas par amour du pouvoir. Sûrement pas. Ça y est. Et son poste, il l'a rempli parfaitement. Comme vous le savez. Et cet homme-là, Youssouf alayhi salam, était une personne qui était appréciée par le gouverneur. Le gouverneur lui faisait confiance. Et les gens lui faisaient confiance. Il n'a pas abusé de la chose. Car aujourd'hui, souvent les gens qui prennent le pouvoir ou quoi, ils abusent. Comme vous le savez. Ils vont profiter, eux, en premier lieu, leur famille, leurs amis, leurs proches. Youssouf, c'est pas ça qu'il a fait. Pas du tout. D'accord? Lui, c'était la maslaha des gens, de façon générale. Naam. ثم يقول في الجملة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. Donc maintenant il part de l'autre partie du hadith lorsqu'il dit que si jamais tu as fait un serment en jurant par Allah et que tu vois que meilleur que ce serment que tu as pris, alors tu peux faire mieux que cela, alors expie ton serment et fais ce qu'il y a de mieux à faire. C'est-à-dire demain quelqu'un il jure par Allah, par exemple, qu'il ne fera pas telle chose. Et en délaissant cette chose-là, eh ben, il se voit privé d'un bien plus grand, profitable pour lui, pour les autres. Donc, ce hadith, il amène à quoi? Il t'incite à expier ton serment et à faire ce qu'il y a de mieux à faire. D'accord? À faire ce qu'il y a de mieux à faire. Par contre, si jamais la personne a juré, elle dit, Wallah, je ferai pas telle chose, alors que c'est une chose qu'elle doit faire, qu'il est obligatoire de faire, alors à ce moment-là, elle doit expier justement son serment. D'accord? Parce que t'as des gens, malheureusement, quand ils disent, j'ai juré par Allah, là, c'est fini. Oh, t'as juré par Allah, mais tu peux toujours expier ta faute. Ou plutôt ton serment, je veux dire. Ton serment, tu peux expier. Reste pas buté sur ton serment, j'ai dit, Wallah, là, je bouge plus, je reste rigide. Non. Là, maintenant, là, ton serment, il te nuit à toi et nuit à d'autres personnes. Ou te prive d'un grand bien. Donc, sois intelligent. D'accord? Le serment-là, brise-le, expie-le, et fais ce qu'il y a de mieux à faire. Évidemment. Comme des gens vont dire, voilà, je parle plus à un tel. Et un tel vient pour s'excuser, pour arranger. D'accord? Tu vas dire, non, j'ai juré, je parle plus? Non. Non. La personne est venue s'excuser. Elle a fait une erreur, elle connaît sa faute. Et bien, à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Et bien, ton serment, tu l'expies. Tu l'expies. وقال كيف يقول يقول إذا حلفت وحنث فهي على التخيير بين العتق أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم فمن لم يجد فصيام 3 أيام. Donc maintenant c'est quelqu'un qui a juré par Allah, comment il explique son serment? Soit il libère un esclave, chose qui n'est pas faisable aujourd'hui, soit il nourrit 10 pauvres, ou soit il les habille. D'accord? Et si jamais il ne peut pas, alors à ce moment-là, il passe à l'étape du jeûne de 3 jours. Car malheureusement, t'as des gens, directement, il faut le jeûne de 3 jours. On dit non. Mawa kaza. Fi tartib. En premier lieu, t'as le choix entre 3 choses. Si jamais t'as les moyens de nourrir 10 pauvres ou de les habiller, t'as pas le droit de passer au CM. Là, tu veux nourrir 10 pauvres. D'accord? Et tu peux nourrir 1 par jour, les 10 en même temps. Ma affiché. Fi hada. طيب ولا revêtir et tu le nourris min awsat ma tuthimun ahlikum aw qiswatuhum tu les nourris de la même façon que tu nourris ta famille. C'est pas tu leur donnes des vieilles nourritures, des trucs avariés ou je ne sais quoi. Là, tu les nourris comme tu te nourrais toi-même, tu nourrais ta famille. C'est mais tu les habilles comme toi, tu habillerais ta famille. Tu n'as pas des quenouilles ou des haillons ou je ne sais quoi, des vêtements tout déchirés ou que personne ne veut. Bil ma'rouf. Et si jamais maintenant tu ne peux ni les nourrir ni les revêtir, alors à ce moment-là, naam, tu fais le siyam de 3 jours. Tu jeûnes 3 jours. Naam. Taïeb. ثم نأخذ الحديث الثاني والخمسين. 52 حديث. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نظر أن يطيع الله فليطيعه ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصيه. رواه البخاري. Elle a dit à Aïcha que celui qui a fait le vœu d'obéir à Allah alors qu'il lui obéisse. Et celui qui a fait le vœu de désobéir à Allah alors qu'il ne désobéisse pas. Apporté par Al-Bukhari. Apporté par Al-Bukhari. Al-Nazr, ce qu'on appelle le vœu, هو إلزام العبد نفسه طاعة لله إما بدون سبب كقوله تعالى علي أو نظرت عتق رقبة أو صيام كذا وكذا أو صدقة بكذا وكذا وإما بسبب كأن يعلق ذلك بقدوم غائبه أو بريء مرض أو حصول محبوب أو زوال مكروه فمتى تم له مطلوبه وجب عليه الوفاء. Donc maintenant, c'est quoi le nazr? C'est un vœu. C'est quelqu'un qui s'impose une chose que Allah Azza wa Jalla ne lui a pas imposé de faire. Par exemple, il se dit pour Allah, je vais jeûner 3 jours. Comme ça. Pour Allah Azza wa Jalla, je fais le vœu de donner tant en sadaqa. Pour Allah, je fais le vœu de faire telle et telle chose. Vous voyez? Dans les choses qui ne sont pas obligatoires pour lui de faire. Et ce nazr, il est de deux sortes. Mutlaq ou muqayyid. Soit il est dans l'absolu, c'est-à-dire sans condition derrière, comme exemple, quelqu'un qui dit, pour Allah, je vais jeûner 3 jours. Ça, c'est mutlaq. D'accord? Il fait un vœu, comme ça. Sans rien en contrepartie. Et d'autres, ils le font muqayyid en contrepartie. Ça veut dire, par exemple, les malades, d'ici à là, Allah azawajal me guérit, alors je nourrirai 20 pauvres. Si Allah me nourrit, alors je jeûnerai un mois. Que si, mathalène, il m'arrive telle et telle chose qu'il attend, alors je ferai telle et telle chose. Lui, c'est en contrepartie. D'accord? Donc, ce vœu, il doit être, à la base, il est makrouh. Faire un nazr, faire un vœu, c'est une chose qui est détestable. Pourquoi? لأن العبد يكلف نفسه ما لم يكلفه الله. Qui s'impose une chose qu'Allah ne lui a pas imposée. Et Allah, il n'aime pas le takalluf. Il nous a posé des choses qui sont qui sont trop lourdes pour nous. Et là, on vient, nous, mais on s'en rajoute. Vous voyez? Cependant, une fois que le vœu, il a été fait, alors il devient une adoration, et Allah, Azza wa Jal, veut qu'on le remplisse, ce vœu. Vous voyez, comme encore le ta'ala, yufoud binazri. En parlant des gens bien, ils disent qu'ils remplissent leurs vœux. Donc, ce vœu, une fois que tu t'y es engagé, tu dois le remplir. D'accord? Tu dois le remplir. Mais seulement à quelles conditions? Que ce vœu, comme dans le hadith, soit un vœu qui n'amène pas une désobéissance. Et également que ce soit un vœu dans une chose que tu possèdes. Par exemple, tu ne dis pas, Mathalène, je fais le vœu de donner en sadaqa la voiture de mon voisin. Là, la voiture, elle n'est pas à toi. Tu peux pas. Ou, Mathalin, quelqu'un qui dit, je fais le vœu, si jamais il arrive telle chose, je brûle la voiture de mon voisin. Là, tu n'as pas le droit. Non seulement elle n'est pas à toi, et en plus, tu n'as pas le droit de détailler les biens d'autrui. Même si c'est un kafir. Tu n'as pas le droit. D'accord? Et tu fais un vœu dans une chose qui est un acte légiféré d'obéissance. T'en as, ils vont dire, ouais, par exemple, je fais le vœu, si jamais Allah me guérit, Yallah, je suis en boîte de nuit ce soir. Là, tu n'as pas le droit à ça. Mayadjouz. Voyez, Mayadjouz. Donc, il est makrouh, l'inna nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'ala inna ou la yati bi khayr, wa inna ma yustakhraj minhu al-bakhir. Il a dit que le vœu, n'apporte aucun bien et ne fait que apparaître le radin. Pourquoi est-ce que tu fais une chose en contrepartie? Genre, si Allah me donne ça, alors je fais ça. Donc, c'est une forme de boukhl. C'est une forme d'avarice. Alors qu'Allah Azawajel, cette chose-là, même si tu ne veux pas te vœu, il va te la donner si tu veux te la donner. Si jamais tu es malade et qu'Allah il veut te guérir, il va te guérir. Sans que tu dises, si jamais Allah me guérit, je vais jeûner 3 jours. Ton siyam, Allah, il n'en a pas besoin. S'il veut te guérir, il te guérit sans rien du tout. Ne crois pas qu'en faisant le vœu, Allah va te guérir plus. Là, hada, mawasawabal. Mais c'est vrai que des fois dans la joie, on est tellement heureux qu'on veut faire un acte de bien. Donc si jamais tu fais le vœu, et que c'est un vœu qui est légiféré, alors tu dois le respecter. Tu dois le respecter. Donc cette adoration est assez paradoxale, car y entrer est makruh, détestable, mais au final, la remplir est obligatoire. C'est obligatoire. Naam. Et il dit... par rapport au vœu, l'imam la yastati' an yufi bi nazrihi fa kafaratuhu kafaratul yamin. Donc maintenant tu as des gens, ils font le vœu et après ils se trouvent en situation de gêne, ben ils n'arrivent pas à remplir leur vœu, leur engagement. Quelqu'un va dire par exemple, oh, si Allah me guérit, je vais jeûner pendant 2 semaines. Allah Azza wa Jalla le guérit. Et là il commence à penser qu'il faut qu'il jeûne pendant 2 semaines. Et il voit que c'est dur là. À dire, j'ai pas pensé que... Ouais, t'as pas pensé. C'est pour ça que le vœu, faut pas aller faire. Car il se peut que le moment où t'arrives, il faut que tu remplir le vœu, tu n'y arrives plus. Quelqu'un qui dit, ouais, si jamais Allah me guérit, je vais faire une sadaqa de tant d'euros. Et là, le vœu, il arrive, hop, ben, il voit que l'argent, c'est dur de le sortir maintenant. Ou il n'a pas l'argent, Mathalène. L'argent, il n'a plus. Donc, qu'est-ce que c'est à ce moment-là? Eh ben, tu expies le vœu de la même façon que tu expies le serment de Al-Yamin, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est-à-dire, soit libérer un esclave, soit nourrir 10 pauvres ou les habiller. Et si jamais tu ne peux pas, alors jeûner 3 jours. Il y a Nasl Arkham. Ce sont les mêmes règles. D'accord? Ce sont les mêmes règles. Azahu. Azallazi akhazna min hadhain hadithain. Taïeb, naktafi biyad al-qadr. Fa subhanaka wa bihamdik. La ilan tastafiru katabu ilayki.